C'est bon? Alors bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. On a quelques invités, donc bienvenue. Vous avez le programme sur la table. On continue nos travaux sur le séminaire Walter Benjamin, la radio et l'enfance. Et nous avons le plaisir pour cette... Ah oui, alors, nous sommes dans une salle publique. Ainsi, quand vous ne parlez pas, il faut mettre le masque. C'est nécessaire. Elmi needs a mask. Everybody needs a mask, but not when you talk, of course. Donc nous continuons nos travaux. Je voudrais remercier Laurence Kimmel. Laurence qui est là. Laurence est complètement bilingue, français et anglais. So she propose and I ask her to make some summaries for people have difficulties, of course, in French. So if you want to stay near her, she can help you to understand some abstract of the presentations. Mais maintenant, nous reprenons pour une intervention en français qui s'appelle Archéologie des Hörspiels en contexte allemand, qui nous est présenté par Hans Arge. Et personnellement, j'ai lu, Hans, quelques-uns de tes travaux autour de Georges Perec. Et je sais que tu es là parce que tu prépares un dossier autour de Georges Perec et la radio. Mais donc, on ne sera pas aujourd'hui autour de Georges Perec, mais c'est quand même intéressant de peut-être imaginer des liens entre l'intérêt de Perec avec la radio et peut-être ce que nous y recherchons, cet espace d'apprentissage à la fois de l'expérience de la vie quotidienne, mais aussi l'apprentissage de la pensée critique. Mais en attendant, là, nous sommes sur l'origine des Hörspiels, un contexte allemand. Et merci beaucoup, Hans, de ton intervention à venir. Bon, vous me direz, vous me ferez signe si jamais il y a un problème de son. Ce serait le comble. Donc, merci Nicolas, merci Anne, parce que, en fait, je crois que c'est parce que j'ai envoyé l'appel à communication pour le volume Perec et la radio à Anne qu'elle a fait le rapprochement avec ce séminaire et donc ce qui m'a valu de rejoindre ce club un peu fermé, mais quand même pas trop, ici même, et je suis très content d'être là. J'étais déjà venu faire un pèlerinage benjaminien, et j'ai revu ce lieu ce matin, et c'est vraiment extraordinaire. Bon, donc je ne vais pas être trop long pour situer mon propos. Bon, j'ai un petit peu changé l'archéologie, ça m'était venu... comme ça pour l'appel à communication. Le problème, comme je disais rapidement ce matin, c'est qu'on a très peu d'archives. Donc je me suis dit, valait peut-être mieux parler de l'émergence de l'art acoustique du Hörspiel dans les années 1920 en Allemagne, parce que selon moi, c'est quand même un des hauts lieux de la recherche et réalisation de ce nouveau genre. Ce qui n'enlève rien à la France, ni aux États-Unis, ni à d'autres pays, notamment l'Angleterre. Mais bon, comme je suis d'origine allemande, je me suis intéressé un petit peu à cela il y a pas mal de temps, et donc c'était aussi l'occasion de revenir là-dessus. Alors, je commence par un petit topo attribué à Paul Pörtner, qui est très peu connu, mais c'est un artiste acousticien ou acoustique allemand des années 50, 60, 70. Et j'ai eu l'occasion de présenter une communication sur son œuvre dans les années 2000 à un colloque à Amiens. Et j'ai revérifié là avant de venir. J'étais alors dans le volume des actes, immédiatement suivi par un monsieur qui s'appelait Reinhard Döhl, à qui je voudrais dédier ces quelques propos, parce que c'était le grand spécialiste de Hörspiel de langue allemande en Allemagne. Il est mort précisément en 2004 et quand on a eu la chance de le fréquenter un petit peu et de le lire surtout, il y a encore beaucoup de ses textes mais en allemand qui sont disponibles, enfin qui sont accessibles sur internet, on est tout modeste parce que lui il avait une de ses connaissances encyclopédiques de toute l'histoire du Hörspiel à laquelle je ne peux absolument pas prétendre. Donc, je vous ai mis sur la diapo un texte en allemand, mais je l'ai quand même traduit vite fait. Donc, Paul Pörtner, c'est en 68, mais c'est précisément l'année où Perec rejoint le club des radio-réalisateurs ou radio-inventeurs, radio-auteurs. Paul Pörtner, donc, à l'occasion de la conférence internationale du Hörspiel, il déclare qu'en tant qu'auteur venant de la littérature, je m'intéresse au Hörspiel, je n'ai pas seulement affaire à un médium capable de transmettre de la littérature, mais avec un moyen de production, de jeu, acoustico-poétique. J'échange alors le bureau de l'écrivain avec le fauteuil devant la table de mixage de l'ingénieur du son. Ma nouvelle syntaxe est le découpage, ma production sur bande est réalisée à l'aide de microphones, d'appareils d'enregistrement, de réglages et de filtres, et c'est grâce au montage que se réalise l'œuvre jeu. Ce qui, à mon sens, définit assez bien ce nouveau genre qui apparaît donc au début des années 20. Et un des points qui m'ont particulièrement guidé dans l'élaboration de cette petite introduction, c'est précisément essayer de mesurer le degré de nouveauté qu'il y avait alors. Bon, ce matin, la question a été posée, la radio, ça existe depuis quand? Et la radio est toute récente à ce moment-là, donc il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant. Je ne dis pas que le langage n'existait pas, je ne dis pas que le spectacle, y compris sonore, n'existait pas, mais le fait qu'à tout moment, il suffise d'un appareil qu'on allume et qu'il y ait quelque chose qui nous parvient de nulle part, pour ainsi dire, et qui soit le résultat donc d'une production. Et les littéraires s'y sont intéressés, mais à condition, un peu comme le dit Paul Pörtner, d'échanger leur fauteuil devant bureau de l'écrivain avec le fauteuil devant la table de mixage. Alors, je rappelle quelques fondamentaux de ce que c'est que la radio. J'essaie de ne pas être trop long. Si vous avez l'impression que je vous prends pour des demeurés, dites-le-moi, on passe vite. Alors, la radio est un médium exclusivement et essentiellement acoustique. Par lui, le son accède au statut de moyen d'expression. Avant l'invention de l'enregistrement, le son existait, évidemment, mais pour le percevoir, il fallait être en présence de la source du son, qu'il s'agisse d'un bruit, de la voix ou de musique. Mais pour que l'événement sonore devienne radiophonique, il a fallu inventer les technologies de la transmission et partant de réception et de reproduction. Les benjaminiens ne manqueront pas de relever ce dernier terme. Notons enfin que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour qu'il y ait radio, comme l'indique la notion de direct. Comme je l'ai dit rapidement ce matin, donc les archives à proprement parler, les enregistrements d'émissions n'existaient quasiment pas. Il y avait quelques disques utilisés pour les émissions, mais il a fallu pour cela la bande. Et donc le disque, c'était un maximum de 3 minutes et les émissions de 3 minutes, bon, je vous laisse imaginer. Alors, ça, je ne vais pas vous le lire, simplement pour dire qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'un microphone, de ce que c'est qu'un haut-parleur, et la radio qui sert donc à relier ces deux dispositifs sans passer par un fil électrique. Le préfixe radio, c'est donc que ça va dans tous les sens. Une station de radio est une installation qui émet des ondes électromagnétiques. Donc nous passons forcément par un Gestell, comme dirait l'autre. En tout cas, nous ne sommes absolument plus dans la sphère de l'analogique. Et dernière particularité de la radio à intéresser et limiter les pionniers, c'est le côté asymétrique, il en a été question aussi vite fait ce matin. Les moyens nécessaires à l'émission et à la réception ne sont pas les mêmes, mais aussi dans le sens où, à la différence de la télégraphie sans fil, il n'y a pas d'échange. Et ça, ça intéressera tout particulièrement Brecht dans sa théorie de la radio, pour le regretter. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est plus là avec justement l'interactivité. Alors, ce qui apparaît avec l'invention de la radio et partant avec la multiplication des postes, c'est alors radicalement nouveau. Jamais un tel phénomène de réception, restitution de sons qui viennent, pour ainsi dire, de nulle part n'a existé. Je n'insiste pas, c'est un passage que j'ai trouvé dans un travail de Lionel Richard, de la radio et de l'écriture radiophonique. J'ai simplement monté ce passage-là, qui est donc une citation, pour dire que je ne suis pas tout à fait le seul à penser qu'il y a quelque chose de nouveau et que c'est cette nouveauté-là qui doit nous interpeller, comme elle a dû interpeller Benjamin, parce que Benjamin, il faisait partie des pionniers. Donc ça n'existait quasiment pas, ce qu'il voulait faire. Donc je reprends simplement la fin de ce passage. Donc, Lionel Richard rappelle que Gaston Bachelard, dans un numéro un peu légendaire de la Nef, la radio s'est inconnue en 51. Donc la radio a 30 ans, mais elle est toujours qualifiée d'inconnue, qui propose donc une hypothèse. Les idéalistes ont parlé de la noosphère, qui est une sphère de pensée. On a parlé de la stratosphère, de la ionosphère. La radio, heureusement, bénéficie d'une couche ionisée. Quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale? C'est la logosphère. Nous sommes des citoyens de la logosphère. Bon, il y a eu d'autres théories depuis, mais ça me permettait de caser encore une fois ce concept d'omniprésence, alors qu'on ne voit rien, surtout, et on a besoin d'un dispositif pour le percevoir. Alors, je ne vais pas trop non plus m'étendre sur Philippe Baudouin, donc, qu'on a entendu grâce à un dispositif ce matin, et qui, lui, est le pionnier en France de la découverte et du fait de rendre disponibles les travaux de Benjamin sur la radio. Donc, je recommande à tout le monde, je note la référence en bas, le site synton.fr, excellent, où se figure donc un de ces articles qui s'appelle précisément du Hörspiel. À la limite, je peux lire le passage. Donc, faire l'expérience d'un Hörspiel, c'est pour ainsi dire répondre à une double injonction, à une invitation d'une double nature. Il s'agit en effet d'écouter, hören, et de jouer, spielen. Et si sur le plan linguistique, le Hörspiel se caractérise par cette mixité, il en va également quant à l'objet qu'il désigne, à savoir une pièce radiophonique composée d'éléments sonores hétérogènes. Donc c'est le côté sonore et le côté jeu. Donc mes jeux, bon, il rappelle aussi, je crois, ou quelque part on le rappelle, qu'en analogie en allemand, on a Schauspiel pour dire le spectacle théâtral, mais Schauen c'est donc regarder et Hören c'est exclusivement entendre. Alors, on peut encore rappeler les bases, à savoir l'enregistrement du son à travers une machine qu'on appelle gramophone. Bon, et rappeler également que on est arrivé à l'idée du disque pour graver le son. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier paragraphe ici, Berliner, donc Émile Berliner, lorsqu'il a mis au point le disque plat en 1887, il l'a conçu dès le départ, contrairement à Edison, comme un produit reproductible, encore une fois le clin d'œil ou si vous voulez l'allusion à Benjamin, inventant notamment le système de la matrice qui permet de fabriquer les disques en série à partir de l'enregistrement original. Je relève simplement les deux, trois termes en gras ici, à savoir la radio peut aussi servir à la diffusion de propagande, et c'est précisément ce qui, à peine né, compromettra assez durablement, au moins dans le domaine allemand, ce média, à savoir la mainmise des milieux nazis sur les médias en Allemagne, et notamment la radio. Je terminerai là-dessus. La radio peut donc probablement, c'est une hypothèse, je crois, parce que Benjamin le dit, peut servir à l'émancipation, on peut contribuer à l'éducation, à l'émancipation, etc. Mais elle a davantage jusqu'ici servi à abrutir. Donc, et puis, médias de masse. Bon, ce matin, il a été dit très justement que celui qui parle à la radio, il s'adresse non pas à un grand public, mais à un nombre indéterminé d'individus, surtout qu'au début, on écoutait la radio avec des casques, avant la mise au point des haut-parleurs. Et c'est néanmoins, surtout donc à la fin de cette présentation, le côté un seul programme pour tout le monde, et quasiment, bon, les Chinois le mettent actuellement au point avec le contrôle qui a lu combien de journaux du parti pendant la journée pour avoir les points sociaux, semble-t-il, donc un média de masse. Alors, cette page-là vaut surtout pour la fin, pour la conclusion, c'est-à-dire avec l'enregistrement électrique, la réalisation de la musique en studio devient une opération de haute technicité qui requiert l'intervention d'un personnage spécialisé, l'ingénieur du son, celui-là même auquel s'est comparé Pörtner dans la citation du début. Alors, vraiment une présentation très sommaire de ce que c'est que la radio dans les années 20 en Allemagne, à savoir il y a cohabitation entre une institution publique, la Poste, et les diffuseurs qui étaient des sociétés commerciales. Ça peut arranger certaines choses, ça peut déranger d'autres. Donc il y a monopole contre versus concurrence. Il y a une redevance, donc c'est considéré non pas comme quelque chose de gratuit, mais il faut s'inscrire. Il y a un contrôle sur l'auditorat. Ce matin, la question a été posée, qui écoutait la radio et surtout combien? Donc j'ai trouvé quelques chiffres. En janvier 1924, on comptait 1580 abonnés, des happy few. En décembre, déjà 500 000 et en décembre 25, 1 million. Donc, et ça monte vite. Il y a un site qui m'a appris, sous réserve, mais quand même, l'État obligeait à cette époque les fabricants de postes de radio à ce qu'ils puissent seulement recevoir un petit nombre de fréquences et qu'ils ne puissent pas être transformés en émetteurs, sachant qu'il y avait, depuis la Première Guerre mondiale, beaucoup de radioamateurs qui bricolaient des postes, donc a priori c'était illégal parce qu'il fallait être inscrit. Alors, au tout début, il a fallu utiliser un casque et simplement, on a mis après au point le haut-parleur qui permettait au moins une écoute collective en petit nombre. Triple objectif, informer, cultiver, distraire, griller des programmes, ça c'est très important. Bon, ce matin, on a appris que Benjamin regardait la montre et donc on éduquait, pour ainsi dire, le public, où on lui disait à telle heure, il y a tel programme. Je vous laisse imaginer le confort nouveau du podcast. Il y a la radio scolaire, donc ça rejoint un petit peu déjà la visée Benjamin, des programmes pour enfants. Et il y avait des associations d'auditeurs où l'on trouve notamment beaucoup d'ouvriers aux yeux desquels la radio ne devait pas être seulement un moyen de distraction, mais bien au contraire participer à la manifestation de la volonté culturelle de la classe montante et contribuer à la diffusion des progrès de l'esprit humain auprès des membres de cette classe. Donc, il y avait bien une diversité des positions idéologiques dans les années 20, mais on sait, vu d'aujourd'hui, qui l'a emporté au moins entre 33 et 45. Alors, juste une illustration que j'ai trouvée, bon, elle ne sort pas très très bien, mais quand même, je vous laisse imaginer, donc... on retrouve ça un petit peu aujourd'hui avec une famille et les smartphones, quoi. Étrange. Mais aussi l'appareil, bon, aujourd'hui, ça vaut très cher d'avoir un appareil qui fait semblant d'avoir recours à ces technologies-là. Alors, zone de diffusion, par exemple, de la radio de Benjamin, donc de Francfort, en 24. Vous voyez, la radio, ça émet en cercle, enfin, en rayon d'un cercle, et il en a fallu donc pas mal pour couvrir le territoire. Ouais, je crois que c'est assez évident. Il y a aussi une organisation, donc le Reichspostministerium, le ministère impérial de la Poste, qui a donc la mainmise sur les ondes. Et ce qui est intéressant, c'est notamment la parti Rundfunkkommissar, donc juste à gauche en haut, c'est qu'il y avait une instance de censure extrêmement vigilante qui cherchait dans un premier temps à dépolitiser les contenus, mais qui pouvait être très très vite et facilement être transformée en censure pour les intérêts d'un parti, par exemple, unique. Et le 1er octobre 29, on en est déjà à presque 3 millions d'auditeurs. Alors, premier Hörspiel, j'espère que j'avance assez vite, c'est Magie sur les ondes de Hans Flesch, Zauberei auf dem Sender, l'une des toutes premières créations radiophoniques entre performance et faux-semblant, 24 octobre 24. Il était une fois un contribuable qui était en tout point satisfait de ce que la station de radio lui proposait. C'était il y a très très longtemps, un soir, donc ça commence comme un conte. En cette soirée, les contribuables qui entendent cette phrase dans leur casque radiophonique sont loin de se douter de ce qui s'annonce en direct. Incident technique, folie, magie. Depuis 4 minutes, c'est le cafouillage sur les ondes, tout le monde parle en même temps, un bruit de fond se mêle à de la musique, le début d'un conte est coupé par l'énumération d'une série de chiffres, mais que se passe-t-il? Les avis divergent à l'antenne, tout comme plus tard ils le feront dans les analyses de ce qui est depuis des décennies reconnu comme le premier Hörspiel diffusé donc en Allemagne. Ça vient de ce site déjà cité, Synton. Monsieur Flesch était un personnage extrêmement doué, important, qui a fait carrière et qui est tombé de très haut en 1932. Alors, voilà Monsieur Flesch, vers 1929, en haut à gauche. Ensuite, une caricature, le mixeur de Hörspiel, un peu alchimiste sur les bords. Et puis en bas, encore une illustration pour une situation d'écoute. Alors, ce qui fait l'originalité de Zauberei, c'est que la pièce joue littéralement avec l'omniprésence des ondes radio dans notre environnement, sans que nous les sentions, ni à plus forte raison y prêtions attention. Il suffit que nous allumions, pardon, il y a un S qui manque, le récepteur pour qu'aussitôt une réalité sonore s'impose à nous dont nous n'avons pas idée, au sens propre de nouveauté surprenante comme au sens figuré d'un événement dont nous serions alors involontairement le témoin auriculaire. Cette dernière situation est quant à elle à la base de plusieurs réalisations radiophoniques aussi bien en Allemagne qu'en France, en Angleterre. Je cite comme exemple Maremoto, donc très tôt en France, de Gabriel Germinet et Pierre Cusy, qui est redevenu connu maintenant grâce à Pierre-Marie Héron, et SOS Rao Rao Fuin Grassin Rete Italia de Friedrich Wolf. L'idée est que l'auditeur ou un personnage tombe par hasard, entre guillemets, sur des appels au secours, SOS, les dramaturges jouant alors sur la proximité technologique de principe, mais pas de fait, entre poste de radio qui peut seulement recevoir et poste de TSF qui permet l'interaction. Donc je mets une définition de TSF après, mais qui ne doit pas nous intéresser trop ici maintenant. Alors, pour parler très brièvement de Brecht, c'est que l'homme qui a quelque chose à dire se désole de ne pas trouver d'auditeur, mais il est encore plus désolant pour les auditeurs de ne trouver personne qui ait quelque chose à leur dire. Ça vient donc d'un des textes canoniques de Brecht sur la radio. Je ne vais peut-être pas le citer pour ne pas trop prendre du temps, mais la conclusion, donc, en 32, Brecht prononce un discours sur la fonction de la radio qu'il intitule « La radio appareil de communication ». C'était donc plus une utopie ou un désidératum qu'une réalité. Dans ce discours, il en appelle à transformer la radio d'appareil de distribution en appareil de communication. En d'autres termes, les auditeurs doivent devenir des émetteurs, des producteurs de contenu. La radio, écrit-il, pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique, un énorme système de canalisation, ou plutôt elle pourrait l'être, si elle savait non seulement émettre, mais recevoir. Donc on peut penser qu'il a songé un peu à l'Internet. Brecht a peu fait de radio et je partage l'avis de Heinz Schwitzke qui estime que la pièce didactique radiophonique Der Flug des Lindberghs de 1929 n'a en réalité pas été conçue en tant que Hörspiel mais en tant que oratorio pédagogique. Je profite au passage pour vous montrer que dans la sphère allemande, à la fin des années 50, on a édité un guide des pièces radiophoniques. Donc, sous forme de livre, dans la même collection, il y avait un guide des opéras et un guide des pièces de théâtre. Et donc, Heinz Schwitzke, qui était lui-même intendant à Hambourg, mais il était plutôt conservateur, si vous voulez, a donc compilé, et ça fait quand même 700 pages, donc des informations sur des Hörspiel. Mais il y en a beaucoup qui manquent. Bref. Alors, j'en arrive à un événement qui m'a paru fondamental dans cette histoire des relations entre littérature et radio, donc Dichtung und Rundfunk. C'est en 1929, un colloque qui avait pour thème littérature radio, qui se tint à Kassel. Il fut organisé à l'initiative de l'Académie des Arts de Prusse et de la Société radiophonique impériale et rassembla de nombreux écrivains pour réfléchir aux formes de contribution qu'ils étaient susceptibles de fournir à la radio. C'est dans ce cadre que les premières tentatives de théorisation de la pièce radiophonique, dont Hörspiel, ont été formulées. Parmi les intervenants, citons les écrivains Arnold Brunnen, j'en parlerai brièvement dans deux minutes, Dublin, dont j'ai rappelé ce matin qu'il a introduit cette distinction entre Schriftsteller, écrivain, et Sprechsteller. Donc, je vous laisse tenter la traduction. Il y avait Hermann Kazak, Arnold Zweig, qui échangeaient avec des hommes de radio, comme Alfred Braun, Hans Flesch et Ernst Hart. Ceci dit, dans une étude consacrée à l'art de la présentation orale de textes littéraires, Reinhard Meyer-Kalkus constate que la plupart des contributions à ce colloque traitaient du Hörspiel, alors que jusqu'en 1933, ce genre ne représentait jamais plus que 2,2% du temps d'antenne. Ceci dit, c'est des textes de ce colloque sont accessibles en allemand, en sur Internet. C'est très intéressant. Voilà, donc on constate que M. Benjamin ne figurait pas dans la liste des participants. Je ne sais pas qui a vraiment géré les convocations, les invitations. En tout cas, il n'y était pas. En revanche, donc, voilà la liste des participants ou des personnes sollicitées. Et dans la colonne de droite, les contributions réellement transcrites et publiées. Alors, 1930, une pièce ou un Hörspiel, donc, important à la fois pour montrer ce que pouvait proposer la radio dans la catégorie Hörspiel et les moyens qui étaient à sa disposition pour le réaliser, à savoir... Weekend de Walter Ruttmann a été réalisé comme un film sans images, parce que je vous rappelle que le film parlant a été inventé, ou enfin mis au point, ou a été définitivement adopté, disons, en 1929. Et l'utilisation d'une pellicule cinéma permet notamment d'atteindre une durée de 11 minutes, et ce qui était impossible avec les disques, synopsis, une succession de collages sonores de ce qui se passe pendant un week-end dans les rues d'une grande ville. Et certains pensent que c'est là un peu une anticipation sur ce que plus tard Pierre Schaeffer et d'autres ont appelé la musique concrète. Alors, la bande son d'une pellicule cinématographique, donc extrait de cette présentation, moi, ça me paraît très intéressant. Vu d'aujourd'hui, la chose semble tomber sous le sens, c'est-à-dire l'articulation entre son et image, mais nombreux étaient à l'époque des partisans d'un art pur, qu'il soit d'essence visuelle ou sonore. Du point de vue commercial, la langue de production constituait aussi un obstacle de taille pour la diffusion internationale. Il y a eu des films qui ont été réalisés en plusieurs prises avec des comédiens qui changeaient pour pouvoir parler l'autre langue. Pour le Hörspiel, c'est le principe du montage qui fait tout l'intérêt du procédé. Accessoirement, 1929 marque aussi le début de l'archivage. Donc, comme je l'ai dit ce matin, auparavant, aucune trace... quasiment aucune trace sonore ne subsistait des réalisations radiophoniques, si ce n'est le script et les disques. Alors, j'ai trouvé une page d'une publication française, L'Européen, du 4 décembre 1929, qui annonce donc le film parlant, et dans le petit extrait, il est question d'une évolution possible, alors, qu'on appelle le film parlant radiodiffusé, qui est rien d'autre que la télévision. Alors, j'en arrive, et j'ai presque fini, j'espère que je suis dans les temps, à Arnold Brunnen, qui n'est pas très très connu, je pense, en France. Vous n'avez rien perdu, si vous voulez, sur le plan littéraire, mais c'est un personnage intéressant, parce qu'il était proche de Brecht, dans un premier temps, et il a fini sa vie en RDA en étant proche de Becher, donc un écrivain de langue allemande qui est devenu ministre de la culture en RDA, donc avec des engagements, si vous voulez. Mais entre-temps, il est passé nazi sans trop de problèmes. Il a fait une carrière, mais il paraît qu'il avait une affaire triangulaire avec Goebbels et sa maîtresse. Donc, c'est un personnage pas très recommandable, je dirais, mais lors de ce colloque de Kassel, il a provoqué un éclat en déclarant que la radio n'est pas là pour servir l'écrivain, mais pour servir la nation. Donc il y a d'autres propos qui vont dans le même sens. Il ne précise nullement en quoi et surtout comment cela devrait se faire. Suivez mon regard, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui disent qu'il y a des choses qui doivent servir la nation, etc. Bon, on se demande toujours comment ça peut se faire, mais il n'en fustige pas moins la place grandissante qu'occupe en Allemagne une... Et j'ai traduit un peu tendanciellement « clique de littérateurs sans foi ni loi qui se sont aliénés leur propre peuple et qui n'appartiennent à aucune race ni aucun paysage ». Donc on dénonce probablement la juiverie internationale, en appelant de ses voeux la levée en masse d'hommes sachant insuffler de l'intérieur la vie dans l'appareil au service de la nation. Brennan, donc, a eu cette carrière un peu étrange, et il faut croire que son roman de la radio, et c'est ça qui m'a un peu intrigué ces dernières semaines, j'ai pas réussi à me le procurer parce qu'il a été publié en 1935 en allemand, 500 pages, mais il n'y a pas eu moyen de me le procurer par prêt entre bibliothèques, etc. Donc ça s'appelle Kampf im Äther oder die Unsichtbaren, donc combat dans l'éther ou les invisibles, publié sous pseudonyme parce que précisément on avait cru voir dans la liste de ses ancêtres des juifs, accumule les reproches d'incompétence, de népotisme et de gabegie à l'égard du personnel qui dirige les antennes et des écrivains qui alimentent les programmes. C'est du moins ce qui ressort de la lecture de plusieurs articles sur l'auteur, à défaut du roman qu'il est aujourd'hui très difficile à se procurer. Voilà donc la page de titre avec quelques détails. Alors, j'en arrive déjà à la fin parce que une des thèses, si toutefois vous souhaitiez que je me concentre sur quelque chose comme une thèse, c'est précisément que la radio artistique, la radio exigeante, la radio de qualité, tout ce que vous voulez, un peu du Benjamin, c'est essentiellement heurtée au fait historique qu'elle avait en gros 8 ans pour le faire, ce qui n'est pas long, parce qu'à partir de 1932, la radio en Allemagne a déjà été gleichgeschaltet, comme on dit, c'est-à-dire alignée sur les objectifs d'un des partis qui devenait majoritaire. Et à partir de 1933, bon, les nazis ont saisi l'opportunité de transformer la radio en appareil de propagande avec ce Volksempfänger VE301, apparemment la date du 30 janvier 1933 a présidé au baptême de l'appareil, donc Volksempfänger 30 janvier 1933, c'est la fin de la pluralité. On écoute tous la même chose et de préférence le Führer, ganz Deutschland hört den Führer, donc écoute Hitler, mit dem Volksempfänger. Et la radio va aussi tôt en prison, c'est que ici il y a Friedrich Ebert, Alfred Braun, Heinrich Giesecke, Dr. Hans Flesch et Dr. Kurt Magnus, qui se trouve en août 1933 en camp de concentration. Et après, c'est pas silence sur les ondes, ni Radau Kasperl, mais propagande tous azimuts à la radio en Allemagne. Bon, avec toutefois, on pourrait continuer, évidemment, par exemple, un dispositif qui me paraît extrêmement intéressant, ce sont les discours que Thomas Mann, depuis la Californie, adressait aux auditeurs allemands hypothétiques. Ça a été téléphoné de Californie à New York. Je crois à New York, ça a été enregistré sur bande, probablement. Je me demande même si ça n'a pas été transporté ensuite physiquement en Angleterre et diffusé à ce moment-là. Bon, c'est un dispositif assez complexe parce que précisément on n'a pas encore les moyens en 40, 41, 42 de diffuser avec une qualité correcte ce genre de production, mais on peut très bien lire aujourd'hui ces textes qui sont publiés et attester à Thomas Mann notamment d'avoir très bien senti et aussi apporter la preuve qu'on pouvait en savoir beaucoup de choses sur ce qui se passait en Allemagne, notamment dans les camps de concentration et d'extermination dans les années 42-43, ce que souvent les gens avaient tendance à nier en disant on ne savait pas. Bon. Donc lui, en Californie, apparemment, il en savait un rayon. Je vous remercie. Merci, merci Hans, ça nous plonge à la fois dans l'histoire de la radio, l'histoire des techniques aussi, et puis les histoires politiques qui ne sont pas séparées, évidemment, ni du contenu médiatique, ni du contenu créatif, ni du contenu technique. Je veux bien qu'on va aborder des séries de questions. Je veux bien poser la première. Tu as précisé que le Hörspiel... que d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était il y a une trentaine d'années à Grenoble, dans justement une espèce de manifestation, et ils nous le traduisaient par « jeu de Louis » comme traduction. Mais ma question était plutôt sur la question du montage, c'est-à-dire qu'on sent bien que la puissance, une des puissances du Hörspiel, c'est de ne pas s'appuyer uniquement sur la lecture et la littérature, on va dire, ou l'énoncé de texte, mais bien de travailler la matière sonore. Oui. Et du coup, cette matière sonore, comment est-ce qu'elle était travaillée, si ce n'est en direct ? C'est-à-dire qu'on sait bien tout l'avènement de Pierre Schaeffer à partir de l'RTF dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'usage de la bande magnétique, la possibilité de faire des boucles, de découper, etc. Mais tout ça préexistait déjà dans les années 30 ? Bon, vous me direz si je... Je peux là ? Ouais. D'accord. Ouais. Donc, Rudolf Arnheim a publié en 1936, en Italie, en anglais, je crois, dans la première édition. C'est maintenant disponible en français. Arnheim, A-R-N-H-E-I-M, Rudolf, une monographie considérable sur la radio. Et Rudolf Arnheim a quitté l'Allemagne en 1933. Donc, et tout ce qu'il raconte là-dedans en détail, et il a c'est un prédécesseur un peu de Reinhard Dölle, montre qu'il y avait énormément de possibilités techniques avant même l'invention de la bande, l'utilisation de la bande, mais que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas, ou ne possédaient pas, ou n'avaient pas envie, ou n'avaient pas les moyens de mettre en œuvre. Donc, moi, je suis stupéfait de lire tout ce qu'il pressent, bon, du point de vue un peu de la perception. C'est un phénoménologue des médias, et il a très vite bifurqué sur l'étude de la télévision, parce que ça lui paraissait apparemment plus complet. Et de toute façon, c'était le sens de l'histoire. Ça. J'ai dit tout à l'heure, il y avait des puristes qui disaient « mais le film parlant, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt de savoir ce que dit le type qui bouge les lèvres, c'est la qualité optique du film prime, ou alors à la radio, la qualité acoustique prime, on n'a pas besoin d'image, justement, c'est une grande réflexion aussi sur l'imagination, sur ce qui se passe quand on entend des choses. » Donc Arnheim apporte, me semble-t-il, de par la date de publication, la preuve que, évidemment, Schaeffer, Tardieu et d'autres ont beaucoup de mérite, mais ils ont réinventé la radio, alors que tout était conçu 20 ans auparavant. Mais je crois aussi que, donc, en France, il y a eu du retard. Quelqu'un l'a, je ne sais pas si on l'a dit ce matin, ou laissé entendre que, oui, c'est toi qui l'as dit, les écrivains français avaient tendance, dans les premières années, à mépriser le média de masse. C'est un peu ça. Hein. Donc là, il y a une espèce de dunkel, comme diraient les Allemands. On est trop intellectuel pour passer à la radio. Bon, ils ont vite déchanté. Arnheim, me semble-t-il, montre très clairement et de façon très limpide, c'est-à-dire, c'est avant l'invention de la stéréophonie. Bon, il y a des gens aussi qui ont dit, mais la stéréo, ça sert à rien, c'est du naturalisme. Bon, mais il connaissait tout ce qu'il existait et il pressentait tout ce qu'il allait exister, notamment grâce aux filtres, aux réglages, aux montages. Donc, 36, le livre sort. Et ben, il a mis un peu de temps à être mis à la disposition du public français, notamment. Je profite pour dire que sur les questions de stéréophonie et des premières expérimentations, Gunther Anders, qui faisait sa thèse sur la musique dans ces années-là, a écrit quelques textes, et c'est dans une édition toute récente, préfacée par Jean-Luc Nancy, qui est là sur la table à l'entrée. On peut prendre peut-être des questions ou des compléments, hein, ou des... Superbe. Alors, on va prendre le micro, c'est pour l'enregistrement. Oui, merci pour cette entrée dans la matière de la radio dans les années 20 en Allemagne. Moi, j'ai deux questions qui peut-être vont vous paraître naïves. La première, c'est sur la technologie. On sait que les Allemands sont des constructeurs, Est-ce que la radio a été inventée en Allemagne ? Est-ce qu'il y a une spécificité ? Est-ce qu'il y a une... Non. C'est international, il y a Marconi, il y a Edison, il y a... Et c'est contemporain. L'avance n'est pas en Allemagne. Les bases ont été posées dès les années 1890, mais bon, de là à ce que ce soit mis en œuvre, il y a aussi la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est l'armée qui a accaparé l'appareil. Mais vous pouvez penser que les intérêts politiques, économiques, militaires ont prévalu avant que la radio devienne un média de masse, peut-être populaire, en tout cas ce dont j'ai parlé. Et ma deuxième question, elle est plutôt d'ordre politique. En fait, c'est en tant que Française que je vous pose la question, et donc... avec une conception de l'État central, avec une ORTF. Vous parlez de monopole d'État. Après, vous diffusez une carte où on voit en fait l'émission des radios plutôt par pays ou enfin, par région. Donc comment s'exercer ce contrôle d'État s'il y a des émissions régionales voilà. Bon, on peut peut-être remontrer vite fait la carte. Déjà, vous ne pouviez pas à l'époque où ça n'existait pas. Déjà, ça nécessite des investissements. Et puis, bon, à l'époque, en 23, 24, on n'avait pas forcément les moyens. C'était l'hyperinflation. C'était aussi peut-être en Allemagne le problème du fédéralisme. Donc, on n'avait pas de radio nationale. Et Berlin n'avait peut-être pas encore non plus déjà... Ça s'appelait, pas par hasard, la République de Weimar. Ce n'était pas Berlin ou Francfort, les capitales. Et donc, on avait des émetteurs qui avaient un rayon limité. Et il y avait des échanges, ça c'est sûr. Et il a été dit ce matin, Benjamin avait entre autres... toujours besoin d'argent parce qu'il n'avait pas de poste à l'université, et donc dès lors qu'une production pouvait être reprise dans un autre dans une autre maison de diffusion, c'était des revenus. Il y avait donc une autorité centrale, mais de façon décentralisée, à la fois des instances de gestion, administration, organisation et de censure. Et il y avait aussi des concurrences, semble-t-il, parce qu'il y avait un type qui s'appelait Bischoff, qui était quelque part dans l'Est, en Schlesien, ça devait être Breslau. Et eux, ils avaient un temps la réputation d'être extrêmement à l'avant-garde de la maîtrise des moyens d'expression radiophonique, ce qui faisait évidemment suer Berlin. Donc, mais ça peut éventuellement aussi s'interpréter comme stimulation de la créativité, de l'inventivité des réalisateurs. Mais surtout... il faut admettre que, par exemple, ce monsieur Flech, illustre inconnu. Personne n'a jamais entendu parler de monsieur Flech, alors que c'est un type apparemment qui était génial. C'était peut-être un savant un peu fou, mais en tout cas, il a très très vite senti ce qu'on pouvait faire avec la radio. Et il a occupé des postes importants jusqu'en 1932. Mais il y a un autre roman que je n'ai pas cité parce qu'il est encore plus inconnu que celui de Bronnen dont je parle, qui en 1932 a lancé une attaque en règle contre ce milieu des gens qui faisaient la radio exigeante. Et c'était des romans à clé. On savait exactement qui était visé par les noms d'emprunt. Et ce roman-là, en 1932, a été interdit. Et simplement, l'auteur était proche des nazis, donc a obtenu à ce que tous ces gens-là de la dernière photo se soient retrouvés en août 1933 en camp de concentration. Donc c'est Anne qui le disait, je crois, ce matin, la République de Weimar, c'est très certainement pas un paradis, c'est pas non plus un îlot dans le temps entre la Première Guerre mondiale et le nazisme. Mais cette intensité de débat et d'opposition idéologique, pratique, politique entre différentes orientations en fait peut-être quelque chose comme un laboratoire. Mais bon, nous aujourd'hui, on dit le 30 janvier 1933, ça a basculé pour un certain temps, pour 12 ans quand même, et je ne sais pas combien de millions de morts dans le mauvais camp. Et du coup, on a tendance un peu à idéaliser le temps qui a précédé, en disant que c'était une attaque en règle, alors que Hitler est arrivé au pouvoir par des moyens démocratiques, comme on dit. Il a été élu, il a été nommé, ce n'était pas illogique du tout. Les Allemands étaient apparemment... je vous laisse imaginer ma gêne que je peux éprouver périodiquement en étant allemand en France. Si je dois parler de cette époque-là, ben c'était la génération de mes grands-parents, disons. Et je sais qu'ils étaient dans le parti. Bon, j'ai toujours l'espoir de ne pas tomber un jour sur... C'est un peu un genre à la mode aujourd'hui de se découvrir des ancêtres particulièrement sinistres. Moi, j'ai l'impression que ma famille est d'une banalité quasiment à toute épreuve. Je l'espère presque, parce que j'ai absolument aucune envie de me trouver dans ce genre de proximité ou de descendance. Pardon. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, moi je voudrais revenir sur le terme Hörspiel, et en particulier sur la deuxième partie du mot Spiel, qui a plusieurs sens. Alors, on peut imaginer que le sens vient du théâtre, du jeu des acteurs, c'est-à-dire de ce décalage qu'il y a entre le texte et l'interprétation. Bon, mais dans le cas ici de la radio, ce mot Spiel, que signifie-t-il d'après vous? Déjà, je ne suis pas sûr dans votre interprétation du théâtre que le terme Spiel vise la différence ou la distinction entre le texte et l'interprète. Oui. Pour moi, c'est davantage la différence entre le réel et la fiction. Donc, à la radio, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas l'espace tridimensionnel, il n'y a pas l'écran, il y a juste le phénomène sonore ou les phénomènes sonores. Pour moi, Spiel, c'est donc essentiellement, c'est un peu schillérien, si vous voulez. Comment il dit Schiller, c'est seulement là où il joue que l'homme est entièrement homme ou est humain, dans son essence humaine. C'est une façon de, ici très concrètement, de jouer avec les sonorités disponibles, ou alors s'ils ne sont pas disponibles, il faut les créer. Donc le jeu est aussi dans le montage, dans cette possibilités. Ah oui, tout à fait. On joue avec les sons. On joue avec les éléments. On s'amuse même avec les sons. Selon moi, enfin, il y a Baudouin rappelle aussi que, je crois que c'est Yandel qui dit, ce sont deux impératifs, c'est-à-dire écoute et joue. C'est un peu un jeu sur le signifiant, mais c'est pas absurde du tout. Et ça se démarque très explicitement dans beaucoup de prises de position un peu théorique, mais informé par la pratique quand même, de cette idée de mettre des comédiens dans une pièce et de tenir un micro quelque part. Ça ne devait pas être ça. Oui, il me semble qu'au début de votre intervention, vous avez parlé d'une possibilité d'interaction sur le plan radiophonique, une sorte de 2.0 de la radio. Pourquoi est-ce que cette possibilité ne s'est pas développée en dehors des contraintes politiques? Parce qu'on pourrait penser que l'industrie pouvait avoir intérêt à développer un tel système. Bah, je dirais, par définition, le dispositif radio, c'est un émetteur et un récepteur qui est ailleurs, qui reçoit ce qui est émis quelque part. Et techniquement, ça n'est pas réversible, ça n'est pas à, c'est un peu Einbahnstraße, comme disait, comme on disait ce matin. Vous avez parlé de TSF, en oui. disant vous allez en parler. Oui, oui. Ben justement, là, c'est dans la définition, la TSF, ça permet précisément de dialoguer. Oui. Mais la TSF, c'est le même principe. Mais la TSF n'est pas conçue pour être écoutée par des appareils un peu partout. C'est une évolution parallèle, me semble-t-il. La TSF a été essentiellement, je crois, utilisée pour pouvoir lancer des appels au secours, et notamment dans les grandes étendues de la mer. Et donc ça existe encore aujourd'hui, et pas de transat sans Jacques Vabre, mais aussi sans émetteur. Et donc pour moi, l'interactivité arrive soit ce qu'on a appelé les émissions avec le téléphone sonne, enfin il devait y en avoir d'autres dans les années 50-60, c'est que l'auditeur a la possibilité de téléphoner à l'émission et de se prononcer, mais de vraie interactivité, non, et je pense que c'est toujours un désidératum dans le sens démocratique, mais on conçoit aussi que ça devient vite la pagaille. Donc il faudrait le modérer, il faudrait trouver des règles, etc. Donc vous avez raison de rappeler, il y a des raisons industrielles, il y a des raisons politiques, des raisons de contrôle essentiellement du dispositif qui l'empêche. Et quand ça existe, c'est pas évident non plus de. C'est bien pour ça qu'on a inventé la démocratie représentative, pour que ce soit pas 60 millions ou 80 millions qui caquettent ensemble, mais leurs représentants. Oui, donc pour moi, Hörspiel, ça me rappelle Vorspiel, que si je ne me trompe pas, dans le domaine de la musique, c'est les préludes. Donc les préludes, c'est quelque chose qui vient avant les jeux, ouais. À la lettre, dans les latins. Donc c'est le spiel de jouer la musique, c'est pas seulement du théâtre. Donc oui. C'est l'approche jouer dans le sens spiel en allemand, oui, jouer en français, to play en anglais. C'est tocar en espagnol, c'est sonner en italien, donc c'est un peu différent. Mais quand même, oui, donc, prélude, il y a ludique dans voilà, prélude. Voilà, c'est le jeu dans le sens voilà. aussi du son. Donc, de la musique. Oui, de toute façon, la musique, elle fait un tiers probablement de la définition de la radio. Non, on va. Ouais, assez vite parce qu'on est déjà en décalage. Si, mais Non, mais c'était une question par rapport à, enfin aussi un peu à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qu'on peut réfléchir aujourd'hui sur la codétermination entre l'invention technique ou la manipulation, le changement que représente notamment la technique du montage et d'autres courants qui émergent à peu près à cette époque-là et qui vont particulièrement mettre en avant le jeu de mots, les techniques de collage, l'émergence du surréalisme, des courants comme ça qui apparaissent finalement dans des années très proches, enfin, où on peut trouver des précédents ou des suivants sans doute. Et voilà, j'avais envie de vous entendre sur cette interaction-là potentielle, c'est la modification des formes et l'invention de formes littéraires ou aussi dans l'image d'ailleurs, hors cinéma ou hors radio, et des influences réciproques. Quoi. Dans quelle mesure, on pourrait penser que Dada, par exemple, pouvait très bien se passer à la radio, mais bon, c'était en 1916, sauf erreur à Zurich, et donc après, ils se sont peut-être un peu assagis, mais Schwitter a travaillé beaucoup avec les sons, Artaud a été... acteur de radio et donc il y avait là un potentiel et précisément je dirais un potentiel différent de la grande littérature, enfin la radio patrimoniale, c'est pas un oxymorone, mais pour beaucoup de réalisateurs c'était faire du vieux dans du neuf, enfin faire la même chose qu'autrefois, mais avec le média, alors qu'ils en appelaient à l'invention de genres qui tiennent compte des spécificités techniques et technologiques de la radio. C'est un phénomène que l'on retrouve dans tout le monde de l'art. Hein. Les collages, les montages, tout ça, c'est... Ça vient du cinéma aussi, oui, mais pas que, je crois, du cinéma. C'est un phénomène qu'on voit dans toutes les disciplines artistiques. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va au-delà des différentes disciplines. La radio, oui, tout à fait. Mais la radio revendique... C'est un esprit nouveau qui vient de quoi ? À mon avis, d'un désir de renouvellement des formes et du fait de sortir un peu du côté patrimonial et du côté livre imprimé, du côté aussi théâtre, institution un peu bourgeoise. Bon, enfin, c'est émancipateur si l'on veut et si le destinataire veut bien être émancipé. Oui, donc ça veut dire qu'on se libère des conventions. Oui, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup.